un petit sourire, pas le moindre mépris. Mais ce qu'ils veulent, c'est n'avons aucun souci. Mais ce qu'ils veulent, c'est juste vivre leur vie. Un petit sourire, pas le moindre mépris. Mais ce qu'ils veulent, c'est juste vivre leur vie. La chaleur est dense dans les couloirs du ghetto. La plupart voudraient bien manger la part du gâteau. Y'a le voisin d'en face qui se lève au bourset tôt. Pour un salaire de misère, le travail aura sa peau. Pendant ce temps sur centre, on le roi compte son magot. Il s'enrichit sur les pauvres et mange même sur leur dos. Tout heureux et fier chaque jour de compter ses euros. La France d'en bas n'a pas encore dit son dernier mot. Mais ceux qui veulent, c'est juste vivre leur vie. Un petit sourire, pas le moindre mépris. Mais ceux qui veulent, oh, c'est n'avoir aucun souci, yeah. Mais ceux qui veulent, c'est juste vivre leur vie. Un petit sourire, pas le moindre mépris. Mais ceux qui veulent, oh, c'est juste vivre leur vie. Derrière ton écran, tu vois les images dramatiques d'une population affamée dans un état critique. Tu te sens concerné, donc tu envoies un peu de fric. Destination, le désert vers le sud de l'Afrique. Le lendemain, en bas chez toi, tu croises le gars typique. Le sans-abri qui noie son chagrin dans la vie nasse tragique. Qui n'est pas là par choix, mais rêve d'un monde utopique. Mais à tes yeux, ça ne reste qu'un vulgaire alcoolique. Mais ceux qui veulent, c'est juste vivre leur vie. Un petit sourire, pas le moindre mépris. Mais ceux qui veulent, c'est n'avoir aucun souci. Mais ceux qui veulent, c'est juste vivre leur vie. Un petit sourire, pas le moindre mépris. Mais ceux qui veulent, c'est juste vivre leur vie. Mais c'est pour tous les sans-abri, abri. Mais c'est pour toutes les âmes perdues, perdues. Qui dorment dehors jour et nuit, nuit. Pour ceux et celles qui n'y croient plus. Ces gens vivant sur les trottoirs. Yeah. C'est juste une lueur d'espoir. Ouh. Toujours ancré dans leur mémoire. Ouais. Ne dites jamais qu'il est trop tard. Mais ceux qui veulent, c'est juste vivre leur vie. Un petit sourire, pas le moindre mépris. Mais ceux qui veulent, c'est n'avons aucun souci. Oui. Mais ceux qui veulent, c'est juste vivre leur vie. Un petit sourire, pas le moindre mépris. Mais ceux qui veulent, c'est de vivre leur vie.